Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Madeleine de Verchères, héroïne nationale et figure controversée de notre histoire. Une femme qui est entrée dans l'histoire par la grande porte, c'est-à-dire par le fait d'armes, l'acte héroïque, un acte qui la fit sortir instantanément de l'ombre et se fixer à tout jamais dans la mémoire des gens comme une héroïne nationale. Cet acte héroïque qui a fait de Madeleine de Verchères l'héroïne nationale dont parle Aline Desjardins à l'émission « Femmes d'aujourd'hui » en 1975, nous ramène au contexte de la Nouvelle-France de 1692. C'est cette année-là que la jeune Madeleine, âgée de 14 ans à peine, réussit à repousser, avec l'aide de quelques hommes seulement, une attaque iroquoise contre le fort de la seigneurie de Verchères. Cet exploit va faire de Madeleine de Verchères l'une de nos grandes héroïnes nationales. Mais qui était donc cette femme à qui on reprochera plus tard d'avoir été une chicaneuse qui cherchait querelle à tout un chacun en multipliant les poursuites devant les tribunaux? Il se peut que notre ruse ait en partie réussi et que les Iroquois hésitent sur le nombre des défenseurs de Verchères. Dans ce cas, ils essaieront de nous surprendre à la faveur de l'obscurité. Il ne sera donc pas question de dormir. Nous allons reprendre notre garde plus vigilante que jamais. Gachet veillera à la porte. La Bonté prendra le mur sud. Je lui dirai. Olivier, le mur nord. Et Georges et moi, nous nous posterons à l'est. Fiez-vous surtout à vos oreilles. Au moindre bruit, faites les sommations d'usage et tirez. À quoi bon les sommations, mademoiselle? C'est du temps perdu. Je voudrais vous dire encore un mot. Nous aimons Verchères. C'est notre bien. Mais si je vous demande tant de sacrifices à tous, ce n'est pas pour garder à ma famille ces quelques meubles et ces bouts de bois. Je vais vous révéler un secret. Secret confié par mon père à l'heure de son départ pour Montréal. Je crois que les circonstances présentes me permettent de le divulguer. Actuellement, des négociations difficiles se déroulent entre Monsieur de Frontenac et le chef des Outaouais. Du renouvellement des alliances dépend le sort de la Nouvelle-France. Imaginez un instant l'effet que produirait au milieu de ces tractations l'annonce de la chute d'un fort frontière tel que le nôtre. Extrait de l'émission « Le théâtre de la jeunesse » présenté à la télé française en 1963 pour nous présenter cette figure devenue légendaire de Madeleine de Verchères, pour faire aussi la part des choses entre ce qui appartient au mythe et ce qui appartient à la réalité quand on parle de Madeleine de Verchères. Je reçois la sociologue Françoise de Roy-Pineau, auteur de nombreux ouvrages consacrés aux pionnières de la Nouvelle-France. Françoise de Roy-Pineau, bonjour. Bonjour. Elle fait partie, c'est vrai, de ces quelques... Il n'y en a pas beaucoup chez nous. Ces quelques figures héroïques de notre histoire nationale, Madeleine de Verchères. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'elle est devenue la figure héroïque qu'elle est devenue? C'est vrai qu'elle a fait un acte héroïque dont on a beaucoup parlé dans les livres d'histoire à 14 ans. Et puis, elle en a parlé, elle l'a écrit, alors que la plupart des femmes qui pouvaient faire la même chose, on n'en sait rien parce qu'elles n'ont pas écrit. Et puis, elle a su écrire aux bonnes personnes au bon moment. Oui. Ensuite, elle a bien fait valoir ce qu'elle avait déjà fait pour se défendre dans de nombreux procès. Oui, parce qu'il y a vraiment deux Madeleines, puis on va le voir. Je l'évoquais dès avec le titre de cette émission, mais il y a cette figure héroïque, cet exploit de repousser une attaque iroquoise. Et puis, il y a la Madeleine chicaneuse. Là, c'est l'autre volet, mais c'est la même femme, les deux faces d'une même médaille. Absolument, oui. Absolument. Alors, d'un côté, cet acte héroïque, c'est vrai qu'il était héroïque, mais toutes les femmes... Tous les hommes, on le sait, mais toutes les femmes et tous les enfants, à partir du plus jeune âge, avaient appris à se défendre. Oui. Alors si en plus elle était fille de militaire et femme de militaire, elle avait toujours appris comment faire pour se défendre. À la limite, je dirais que sa mère, qui avait été élevée chez les Ursulines de Québec, avait peut-être appris chez les sœurs non seulement à broder et à tenir maison, mais j'ose dire peut-être aussi comment se défendre. Oui. Parce que les Ursulines aussi, elles avaient dû se défendre. Leur couvent avait été transformé en redoute. Il y avait 20 soldats qui vivaient avec elles. Pendant un certain temps, plusieurs s'étaient réfugiés ailleurs. Mais Marie de l'Incarnation et trois sœurs sont restées vivre avec les soldats. Puis elles ont vu comment on transformait un couvent en redoute. Ouais. Donc la mère de Madeleine de Verchères savait se défendre. Elle, Madeleine, avait toujours appris comment faire auprès des récits de sa mère et de son père. Ouais. Et ses frères aussi. Elle a perdu deux frères et deux beaux-frères. Quatre des hommes les plus proches d'elle sont morts du fait des Iroquois. Ouais. Donc, C'est vrai que c'est important de le situer dans le contexte de l'époque. Oui, acte héroïque, mais à ce moment-là, vivre dans ce pays, ça veut dire, quand on est français, quand on débarque en Nouvelle-France, ça veut dire faire face tout le temps, ou à peu près, à cette menace iroquoise. Mais tout à fait. Les montréalistes, avec Jeanne Mance et Paul de Chomeudet, ils savaient tous se défendre, hommes et femmes. Jeanne Mance a défendu un fort, mais comme elle a fait bien d'autres choses, on n'en parle pas. Mais je pense que Jeanne Mance a commis des actes aussi héroïques que Madeleine de Verchères, et pas un, plusieurs. Parce que tout le monde devait savoir se défendre. Ouais. C'est une question de survie. Ouais. Donc ça, c'est l'époque, c'est le contexte, et c'est dans ce contexte-là, donc, que Madeleine, que la légende de Madeleine va prendre naissance. Elle va, vous l'avez évoqué, elle va voir sa mère d'abord, elle va lui transmettre cet art de la défense, de l'autodéfense, et elle en aura un très, très bon exemple, avant elle-même de connaître cet exploit en 1692. Deux ans plus tôt, Françoise de Roy-Pinault, en 1690, Madeleine de Verchères voit sa mère jouer exactement ou à peu près dans le même film dans lequel elle jouera deux ans plus tard. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, il se passe à ce moment-là. Il faut voir où est le fort de Verchères. Toutes les habitations étaient fortifiées. Donc, le fort de Verchères, qui était une habitation principale entourée des petites maisons des censitaires, il y avait là ce qu'on appelle la résidence du seigneur. Mais enfin, ce n'était pas grand-chose. C'était juste une maison entourée d'une clôture de touillat, de cèdre, assez haute. À l'intérieur de la clôture, il y avait de quoi loger tout le monde en situation de repli. Ouais. Et pourquoi en situation de repli? Parce que Verchères est entre le fleuve et la rivière Richelieu. D'où viennent les Iroquois? Par la rivière Richelieu. Ils n'aiment pas du tout qu'il y ait des Français qui s'installent là. Donc toute installation française à cet endroit-là est dangereuse pour les Iroquois. Ils ne peuvent pas aller à Chambly, il y a un fort. Ils ne peuvent pas aller à Sorel, il y a un fort. Alors où vont-ils? Ils passent par Verchères. Ouais. Et ça les dérange qu'il y ait ce petit fort à cet endroit-là. Donc, ils veulent attaquer. Alors, ils attaquent une première fois et Madame de Verchères est seule avec ses enfants. Elle sait comment s'y prendre. Elle se défend contre les Iroquois. Et Madeleine voit ce qui se passe. Ouais. À ce moment-là, elle a environ 12 ans. Ouais. Bon, deux ans plus tard, Monsieur de Verchères est à la guerre à Montréal, une escarmouche contre les Iroquois, toujours. Madame est à Québec. Non, c'est le contraire. Monsieur est à Québec et Madame est à Montréal. Ouais. En fait, toujours est-il que Madeleine est seule avec un soldat quand même. Un seul soldat. On ne sait pas l'âge qu'il a, peut-être qu'il est assez vieux, c'est pour ça qu'il n'est pas sur le front. Un seul soldat, tous les enfants et les femmes des censitaires, c'est-à-dire les cultivateurs qui travaillaient pour le seigneur et qui étaient au champ. Madeleine est aussi au champ, d'ailleurs. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les Iroquois surviennent et ils font des prisonniers. Et ils courent après Madeleine, qui se dépêche de rentrer. Ouais. Madeleine, elle a, comme toutes les femmes, elle a autour du cou, peut-être sur la tête, on suppose que c'est sur la tête autour du cou, un petit foulard qu'elle appelle un mouchoir de colle qui est noué. L'Iroquois qui court après elle attrape par ce petit foulard. Oui. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle le dénoue. Lui, il est tout étonné, il se retrouve avec le foulard à la main et elle se précipite dans le fort et elle ferme à double tour. Bon. Donc elle réussit à s'enfuir, à trouver refuge dans le fort. Mais elle ferme la porte. Elle ferme la porte. Sauf qu'elle est seule à peu près. Elle est seule à peu près. Oui. Alors, avec un homme, quelques femmes autour d'elle. Il y a un homme, quelques femmes. Elle a son petit frère qui a deux ans de moins, Pierre. Elle n'a que 14 ans aussi. Elle n'a que 14 ans. Ben, le petit frère a 12-13 ans. Ouais. À cet âge-là, les gamins, c'est la génération de Pierre Lemoine d'Iberville et de tous ces Lemoine d'Iberville qui ont appris à se battre depuis qu'ils sont tout petits. Donc, il y a là un petit frère, un vieux soldat. Elle arme tout le monde. Elle met sur sa tête un chapeau d'homme pour se faire prendre pour un homme. Ouais. Elle distribue les fusils qu'il y a aux uns et aux autres. Et puis, elle les montre par le haut comme s'il y avait beaucoup de monde. Ouais. Elle tire. Elle fait tirer éventuellement ceux qui peuvent, ceux ou celles qui peuvent. Ouais. Elle a l'air de dire que les femmes sont un peu timorées dans l'histoire. Ensuite, elle arme le canon. Ça, c'était très dangereux. Ça prouve qu'elle a vu faire. Ouais. Et elle a réussi le coup. Et ça, évidemment, ça a un impact très fort. Les Iroquois, l'idée, c'est vraiment de donner l'impression aux Iroquois qu'il y a du monde. Qu'il y a du monde. Qu'il y a et du ce monde. Coup de canon, évidemment, ça effraie les Iroquois. Ça effraie les Iroquois. Ils ne s'imaginent pas que c'est une gamine de 14 ans qui a tiré du canon, bien sûr. Alors, le canon effraie les Iroquois. Un, deux, prévient tout le voisinage qu'il se passe quelque chose, notamment, trois, les gens de Montréal, qui immédiatement envoient du secours. Le secours arrive. Ouais. Alors, au bout de combien de temps? On ne le sait pas. Peut-être une semaine. Alors, dans son premier récit, Madeleine a l'air de dire que l'attaque des Iroquois a duré environ 24 heures, peut-être 2 jours. Elle parle surtout d'une nuit sur le qui-vive. Ouais. Ensuite, les Iroquois ont peur, ils partent. Ouais. Et le secours arrive. Et je crois que du côté des Français, il n'y a que 2 morts. Et tous les gens que les Iroquois avaient fait prisonniers, eh bien, des Indiens alliés les retrouvent au bord du lac Champlain. Donc, pas de mort. Ouais. Et ce qui est fascinant, c'est que de ce qui vient de se passer, au mois d'octobre 1692, il y aura, Françoise de Roy-Pinault, 5 récits, dont 2 écrits de la main de Madeleine. Pourquoi autant de récits et comment est-ce qu'on parle les différents récits? Parce que là, on entre dans ce que va devenir sa légende aussi. On entre dans la légende dès qu'elle écrit le premier récit. Ouais. Bon, pourquoi le premier? Son père doit mourir en 1700. En 1699, elle a l'idée, ou on lui donne l'idée, Monsieur de La Poterie, qui est un historien envoyé de France, la connaissait. Donc, elle a l'idée, ou on lui donne l'idée, d'écrire un récit à une certaine madame de Maurepas, qui est puissante en France. Mmh. Elle écrit son récit, avec ou sans l'aide de Monsieur de La Poterie, et le récit est envoyé avec la signature ou l'aval du gouverneur de Montréal, est envoyé à Madame de Maurepas. Alors, pourquoi fait-elle ça? Probablement parce qu'elle pense qu'on pourrait la récompenser d'une façon ou d'une autre. Elle ne fait pas ça comme ça gratuitement. Ouais. En effet, l'année suivante, son père meurt et elle reçoit une pension qui est peut-être arrivée beaucoup plus vite, la pension, parce qu'elle avait écrit le récit, ouais, qui prouve sa bravoure, bien sûr, exceptionnelle. Et sans voir dans le détail tous ces récits, il y en aura 5, 2 de la main de Madeleine et puis 3 autres. Oui. Au total, y aura-t-il beaucoup d'enflure? Mais oui, bien sûr. Alors, La Poterie écrit un autre récit, bon, qui ressemble beaucoup à celui de Madeleine, ce qui fait qu'on ne sait pas qui s'est inspiré de qui. Mm-hmm. La Poterie avait fait des bonnes études, on le sait. Madeleine, on ne sait pas les études qu'elle a pu faire. C'est peut-être sa mère qui, elle, était allée chez les Ursulines, c'est peut-être sa mère qui lui avait appris à lire et à écrire. Peut-être sa mère qui l'a aidée à écrire le premier récit, on ne sait pas. Premier récit, qui a l'air d'être le plus fiable. Ouais. Bon. Ensuite, La Poterie écrit un autre récit, il en rajoute. Ensuite, le père Charlevoix, le jésuite qui a écrit une histoire de la Nouvelle-France, essaie de tirer ça au clair, écrit un récit où il édulcore un petit peu le rôle de Madeleine. Par exemple, Madeleine dit qu'elle était à 400 pieds, Charlevoix enlève 200 pieds, il en reste 200, c'est plus près, c'est moins héroïque. Bon. Et au bout du compte, au 5e récit? Au 5e récit, écrit par Madeleine, alors là, elle en rajoute. Et c'est ce récit-là, je dirais malheureusement, qui est réédité ou édité largement vers 1901, au début du siècle dernier. À partir de ça, les livres d'histoire s'emparent de ce haut fait, le gonflent et portent à toute la société québécoise l'image de Madeleine de Verchères. Ouais. Et qui va servir, on va revenir dans quelques minutes, mais elle va servir cette image, une figure héroïque. Ça, souvent, c'est récupéré pour des fins militaires, pour des fins politiques. On y reviendra dans un instant. Mais parlons de Madeleine et de ce que devient sa vie après ce premier exploit de 1692. Sa vie se poursuit, en fait. Elle va marier, elle va épouser en 1706 le sieur de la Pérade, Pierre-Thomas Tharieu de la Naudière. On écoute l'historien Jacques Lacourcière, qui personnifie le sieur de la Pérade à l'émission de Michel Desautels, ici comme ailleurs, en 1989. Il y raconte en fait comment il va être amené à rencontrer Madeleine. Le père de Marie-Madeleine puis mon père, ils faisaient partie du même régiment, le régiment de Carignan-Salière. Ben, c'était à peu près 1800 soldats qu'on a envoyés ici dans les années 1660 pour écraser les Iroquois. Les Iroquois, à ce moment-là, faisaient énormément de ravages. C'était les alliés des Anglais. Et pour un peu ramener de l'ordre dans la colonie, permettre aux gens de cultiver la terre puis de se retrouver facilement sans se faire tuer, sans se faire scalper, à ce moment-là, on a envoyé ce régiment-là. Et Lui, Jarret de Verchères s'est établi à Verchères, et mon père, lui, il s'est établi sur le bord de la petite rivière Sainte-Anne. Au lieu dit de la Pérade maintenant. Au lieu dit de la Pérade, oui. Madeleine est un petit peu plus jeune que moi. On a un an de différence. Mmh. Elle était de Verchères, moi j'étais de Québec. Et les gens voyageaient quand même beaucoup à cette époque-là, hein, faut pas s'en faire. Et Madeleine, ben, c'est le genre de femme qui me plaisait. Hein. À 28 ans, Madeleine était quand même quasi une vieille fille. Ben, à 25 ans, normalement... Peut-être qu'elle cap, a fait fuir les garçons, vous savez. C'est pas tout le monde qui était prêt à affronter un lion comme ça. Elle avait quand même la tignasse rouge. Hein. C'était quand même quelqu'un qui avait son parler assez vert. Mm-hmm. Et le physique imposant. Donc, le physique assez imposant. Tout un personnage, un sacré caractère. Hein, on le voit bien dans cet extrait, Madeleine de Verchères. Son mari aussi, d'ailleurs. Ils vont s'attirer une drôle de réputation. Quel genre de vie vont avoir, d'abord, le couple Françoise de Roy-Pinault? Elle s'est mariée un peu plus tard, mais alors, moi, je dirais quand même qu'elle avait... Il fallait qu'elle ait en charge sa mère et ses frères et sœurs plus jeunes. Oui. Donc, c'était une bonne gestionnaire aussi. Oui. Et elle a géré la ferme et la terre. Et peut-être aussi que ce n'était pas seulement parce qu'elle faisait peur aux hommes, mais aussi parce qu'elle avait besoin de gagner sa vie et celle de la famille. Ouais, ce qui fait qu'elle se mariera donc un peu plus tard. Donc, elle se marie plus tard. Très tard pour l'époque. Ouais. Donc, elle va se marier, elle va à la Peyrade, elle s'installe. La belle-mère est là, la belle-mère aussi, elle a du caractère. Ouais. Alors, bon, elles s'entendent comme une belle-mère et une belle-fille, mais après tout... Ça n'a pas l'air si mal. Mais alors, surtout, elle et son mari aussi. Là-dessus, ils s'entendent très bien. Ils ont des caractères de cochons, l'un comme l'autre. Et alors, ils ne supportent pas qu'on ne soit pas d'accord avec eux. Ils ne supportent pas qu'on ne leur obéisse pas, qu'on fasse, quand on est censitaire, tout le travail qu'il y a à faire sur la terre, qu'on ne donne pas tout ce qu'on doit donner, etc. Alors, évidemment, les gens ne sont pas contents. Ça leur fait une très mauvaise réputation. Ouais. Ils se confient à un prêtre. Qui est d'une paroisse voisine, je crois, et qui les connaît bien, et qui écrit un texte pour se moquer d'eux. Ça ne leur plaît pas. Alors Madeleine, qui n'aime pas... elle a un procès, elle le perd, parce que tout le monde sait bien que le petit curé n'a pas tort. Ouais. Alors, elle va en France pour faire valoir ses droits, ce qui prouve qu'elle avait quand même un peu d'argent. Et finalement, en France, on lui dit, écoutez... Arrêtez les frais, là, ça suffit comme ça. Ouais. Essayez de vous entendre avec votre entourage. Mais elle continue toujours à une kyrielle de procès. Ce qui est curieux, c'est que quand elle meurt, il y a plein de monde à ses obsèques, à ses funérailles. Mais donc, cette réputation de chicanière, c'est ça, c'est ce côté vindicatif et qui va se solder par, comme vous le disiez, de nombreux procès. L'histoire de Madeleine ne s'arrête pas là. Après cet exploit de 1692 dont on a parlé, elle sauvera la vie, ce qui est un deuxième exploit. Elle sauvera la vie de son mari en 1722. On écoute la comédienne Denise Morel lire un extrait des mémoires de Madeleine de Verchères qui relate justement cet épisode à l'émission Anecdotes canadiennes diffusée en 1967. Deux Abénaquis étaient entrés chez nous pour chercher querelle à M. de la Peyrade qui leur ordonna de sortir. Persuadés qu'ils avaient pris le parti de s'en aller, nous fûmes fort surpris de les entendre dans le tambour de la maison faire le cri de mort en disant « Tajiaryogen », qui est le nom sauvage de mon mari. Ils étaient armés, l'un d'un casse-tête et l'autre d'une hache. Ce dernier, la rage peinte sur le visage, lève la hache sur la tête de M. de la Peyrade qui fut assez heureux pour parer le coup. En se jetant encore perdu sur le sauvage. Mais il était trop faible pour pouvoir résister longtemps. Et un homme de résolution, qui se trouvait fort à propos à la porte de la maison, lui donna du secours. Le sauvage, armé d'un casse-tête, lève à son tour le bras pour frapper mon mari à la tête. Résolu de périr avec lui, je sautai, ou plutôt, je volai vers ce sauvage, j'empoignai son casse-tête et je désarmai. Il veut monter sur un coffre, je lui casse les reins avec son arme, et je le vois tomber à mes pieds. Je ne fus jamais plus surprise que de me voir enveloppée à l'instant par quatre sauvagesses. L'une me prend à la gorge, l'autre aux cheveux, et les deux autres me saisissent par le corps pour me jeter dans le feu. À ce moment, un peintre me voyant aurait bien pu tirer le portrait d'une Madeleine avec mes cheveux épars et mes habits déchirés, n'ayant plus rien sur moi qui ne fût en lambeaux. Je ressemblais pas mal à cette sainte aux larmes près qui ne coulèrent jamais de mes yeux. Alors, c'est fascinant, cet extrait, Françoise de Roy-Pinault. On comprend ce qui s'est passé. C'est le journal, les mémoires de Madeleine de Verchères. Elle dit comment elle réussit à sauver la vie de son mari ce jour-là. Mais au-delà de ce deuxième exploit qui va participer à sa légende, moi, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont elle raconte tout ça. C'est comme si, puis je suis curieux de vous entendre là-dessus, c'est comme si elle participait elle-même à sa propre légende. Dans quelle mesure Madeleine de Verchères va contribuer à l'édification de cette de cette figure mythique et héroïque qu'elle va devenir. Ben, c'est le second texte qu'elle a écrit, où elle rajoute toutes sortes de détails invraisemblables, mais qui, vus de loin, font mousser son exploit. Parce que c'est quand même un exploit, mais d'autres l'ont fait aussi. Ouais. Elle sait se faire valoir. Disons qu'elle était experte en relations publiques avant l'heure. Ouais. Elle savait le lobbying, c'était son truc. Et ça va marcher, parce que vous le disiez un peu plus tôt, c'est cette version-là qui sera publiée en 1901 qui va contaminer nos esprits, en fait. On va faire de Madeleine de Verchères une grande héroïne nationale. Dans tous les livres d'histoire, pendant des années, on va nous parler de Madeleine de Verchères. En préparant l'émission, j'apprenais que dans les deux grandes guerres, la guerre de 14-18 et la guerre de 39-45, le gouvernement fédéral va utiliser la figure de Madeleine de Verchères pour consoler les mères qui voient leur fils partir à la guerre en disant « Inspirez-vous de l'héroïsme de Madeleine ». De quelle manière elle sera utilisée, Madeleine de Verchères, au cours de l'histoire? Bon, il y a cette histoire de l'utiliser pour que les mères envoient leurs fils, mais pas pour que les femmes rentrent éventuellement dans l'armée et soutiennent le combat autrement. C'est une manière très, très guerrière et très belliqueuse de l'utiliser. Oui. Parce que, bon, ben c'est sûr que c'est une personne qui est née dans un milieu où tout le monde devait se défendre. Elle est solidaire de son milieu. Ensuite, quand il n'y a pas de guerre, bon, les procès, c'est un peu pareil, c'est la même mentalité. Elle veut se défendre contre les autres, à tort ou à raison. Alors, l'utiliser dans ce sens, c'est un peu désagréable, c'est sûr. Ouais. Et puis, elle ne demandait pas mieux, elle. C'est sûr aussi. D'un autre côté, c'est dommage pour les autres femmes de la même époque. Ouais. Parce qu'il y a tellement de femmes qui ont été héroïques. Tellement, tellement. Mais elle ne savait pas écrire, on n'en a pas parlé. Et on fait mousser certains hommes, ou une femme, Madeleine de Verchères, et on oublie l'héroïsme quotidien d'une multitude de femmes. Mais l'histoire a besoin, et à l'époque, j'imagine, l'histoire a besoin, l'histoire nationale se cherche des figures héroïques. Ça a sûrement participé au fait qu'on choisisse Madeleine comme l'une de ces figures. Alors, c'était quand même assez intéressant, parce qu'au moins, il y avait une femme. Ouais. Et puis, bon, Jeanne Mance, on en avait beaucoup parlé, ça faisait une autre femme. Ouais. Mais il y a quand même le côté de... On en met trop sur elle. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de Madeleine de Verchères dans notre imaginaire collectif? Peut-être pas grand-chose, à part la géographie et puis ce qui se passe à Verchères. Maintenant, c'est-à-dire que c'est un lieu touristique, c'est une héroïne touristique. Figure un peu oubliée, vous avez l'impression? Il me semble qu'effectivement, c'est un peu oublié, mais il faudrait peut-être pas grand-chose pour allumer la flamme. Ouais. Parce que, bon, une femme qui se bat comme ça, elle est le symbole de toutes les autres femmes qui se battent et qui ne peuvent pas le dire et le faire savoir. Ouais. Donc il y a un côté symbolique dans son histoire. C'est comme les grands héros des légendes fondatrices. On met sous le chapeau d'un personnage ce qui est arrivé à beaucoup d'autres. Mais il y a un personnage qui s'est détaché, alors plus il en fait, plus on lui en accorde. Ouais. Françoise Leroy-Pinault, sociologue, auteur de nombreux ouvrages sur les pionnières de la Nouvelle-France. Toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.